Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour de la rentrée. Bon courage à tous, en tout cas c'est certains parents qui vont être contents de remettre leurs enfants à l'école. Des enfants qui vont être stressés par exemple pour leur première rentrée. Ne vous inquiétez pas, vous allez vite vous faire des amis. En tout cas voilà, on est reparti tous ensemble et en ce lundi 2 septembre, nous souhaitons une bonne fête au Ingrid. Ça vient du Scandinave, fille de héros. Ingrid est discrète et quelque peu étrange, enveloppée d'une aura de mystère, probablement en raison de son apparente froideur. C'est en effet une femme secrète et insaisissable qui possède un important contrôle d'elle-même et un calme qui passe souvent pour du détachement ou une indifférence glacée. Sa personnalité à part est souvent mal comprise par son entourage. Sa tournure d'esprit la porte à l'analyse, à la critique ainsi qu'au scepticisme, mais la conduit également à s'intéresser à l'irrationnel ou à la spiritualité. Elle a tendance à l'introspection, ce qui, ajouté à son intuition, lui permet d'appréhender les êtres ou les événements avec recul. Son esprit logique, rationnel et son intérêt pour les questions essentielles lui font rechercher les vérités fondamentales et les réalités profondes cachées. Voilà en quoi elle sort de l'ordinaire. C'est souvent elle-même qui, hypersensible et méfiante, se met en retrait et se situe en marginal ou en original. Très dépendante, peu matérialiste, souvent utopique, elle tend à dissimuler sa sensibilité derrière une certaine ironie de façade. C'est en fait une personne profondément inquiète et nerveuse qui doute d'elle et des autres. Aussi entre égoïsme et solitude d'un côté, altruisme vit en société de l'autre. Dicton du jour, au mois de septembre, le feignant peut aller se pendre. Célébration internationale aujourd'hui en Moldavie, en Transnistrie, c'est la fête de l'indépendance non reconnue par la communauté internationale. Au Tibet, c'est le jour de la démocratie. Au Vietnam, c'est la fête nationale qui commémore l'indépendance vis-à-vis de la France et du Japon. Dans les événements qui se sont déroulés un 2 septembre 1945, Ho Chi Minh proclamait l'indépendance de la République démocratique du Vietnam. En 1987, avait lieu la première émission du Club Dorothée. Ça ne nous rajeunit pas. 1990, déclaration d'indépendance de la Transnistrie, République moldave du Dniestre, un état non reconnu indépendant. Pendant de fait depuis la dislocation de l'URSS en 91. Et 1991, déclaration d'indépendance du Haut-Karabagh, République d'Artsakh, République autoproclamée de Transcaucasie. Allez, tout de suite, on va marquer une première pause musicale avec le groupe Toto et leur titre Africa. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. They grow restless, longing for some solitary company. I'm know that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti, I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Toto sur RGM, un peu plus de 8h38, on est toujours dans la matinale et on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 2 septembre 1939. Naissance de Jack Lang, homme politique français, plusieurs fois ministre, maire de Blois de 1989 à 2000 et député européen de 94 à 97. 1951, naissance de Marc Harmon, acteur américain, vu dans Freaky Friday dans La peau de ma mère dans le rôle de Ryan, à la télévision dans La croisière s'amuse, Saint Elsewhere, Chicago Hope dans le rôle du docteur Jack McNeil, à la Maison Blanche, mais on le connaît surtout depuis 2003 dans le rôle de Leroy Jethro Gibbs dans la série NCIS Enquête Spéciale, et il est apparu également dans deux épisodes d'NCIS Nouvelle-Orléans. 1952, naissance de Jimmy Connors, ancien joueur de tennis américain ayant fait carrière de 1972 à 1996, qui a été numéro 1 mondial pendant 268 semaines, dont 160 consécutives entre 74 et 77. En simple, il a gagné 5 fois l'US Open, 2 fois Wimbledon, 1 fois l'Open d'Australie, demi-finaliste à Roland-Garros. En double, il a remporté 1 fois Wimbledon et l'US Open, 1 fois finaliste à Roland-Garros et 8e de finaliste à l'Open d'Australie. En Coupe Davis, il a été 1 fois finaliste et il a remporté une World Team Cup en 1985. 1957, naissance de Steve Porcaro, musicien américain du groupe Toto. 1961, naissance de Claude Puel, ancien joueur, entraîneur français de football, joueur de 1979 à 1996, tout d'abord avec Monaco, où il a remporté 2 championnats de France et 2 coupes de France. Ensuite, il a été entraîneur de 1996 à 2019 de l'équipe B de Monaco, ensuite de l'équipe première de Lille, de Lyon, de Nice, de Southampton FC, de Leicester City, club avec lequel d'ailleurs il a été démis de ses fonctions le 24 février dernier. 1962, naissance de Dominique Farrugia, humoriste, réalisateur, producteur, acteur français, membre du groupe Les Nuls, réalisateur de Delphine 1, Yvan 0, Trafic d'influence, L'amour c'est mieux à deux, co-réalisateur, producteur de Meilleur espoir féminin, Monsieur Batignol, 7 ans de mariage, Mes amis, mes amours, RTT ou encore L'amour c'est mieux à deux, acteur dans La cité de la peur, Delphine 1, Yvan 0, Didier, Trafic d'influence ou encore Rrr. 1964, naissance de Pascal Demolon, acteur français vu dans Doberman, Tout ce qui brille, Radio Star dans le rôle de Cyril, Tu veux ou tu veux pas, à la télévision dans Navarro, Alice Nevers, PJ, Section de recherche, Julie Lescaut, Profilage, Fais pas ci, fais pas ça dans les saisons 6 et 8 dans le rôle d'Henri ou encore Peplum dans le rôle de Bravus. C'est également l'année de naissance de Keanu Reeves, acteur canadien vu dans Les Liaisons dangereuses, Point Break dans le rôle de Johnny Utah, Dracula, Speed, la trilogie Matrix dans le rôle de Neo, dans Constantine dans le rôle de John Constantine, John Wick 1 et 2 et John Wick Parabellum dans le rôle de John Wick. 1966, naissance de Salma Hayek, actrice mexicaine vue dans Desperado 1 et 2 dans le rôle de Carolina, Une nuit en enfer, Wild Wild West dans le rôle de Rita Escobar, Spy Kids 3 dans le rôle de Seca Giggles, Bandidas dans le rôle de Sarah Sandoval, la série télé Ugly Betty dans le rôle de Sofia Reyes, où il est également productrice de la série. C'est également l'année de naissance d'Olivier Panis, pilote automobile français, coureur de Formule 1 entre 1994 et 2004. Il a remporté son unique victoire au Grand Prix de Monaco, c'était en 1996, et reste depuis 23 ans le dernier français à s'être imposé dans la discipline. Oui, parce que hier, c'est un monégasque qui s'est imposé. C'est pas pareil, on en parle tout à l'heure. En 1910, décédé Henri Rousseau, dit le douanier Rousseau, peintre français considéré comme un représentant majeur de l'art naïf. 1937, décédé Pierre de Coubertin, historien français qui a particulièrement milité pour l'introduction du sport dans les établissements scolaires français. Dans ce cadre, il a pris part à l'éclosion et au développement du sport en France dès la fin du 19e siècle, avant d'être le rénovateur des Jeux Olympiques de l'ère moderne en 1894 et de fonder le Comité international olympique dont il fut le président de 1896 à 1925. En 1973, décédé J.R.R. Tolkien, écrivain, poète, professeur universitaire britannique, connu pour ses romans Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Et enfin, en 2013, décédé Valérie Benguigui, actrice française, vue dans La vérité si je mens dans le rôle d'Elie. Je préfère qu'on reste amis, comme t'y es belle, les tuches. Le prénom dans le rôle d'Elisabeth, récompensé d'ailleurs par le César de la meilleure actrice dans un second rôle, vu également dans Fiston, la série télé Avocat et Associé dans le rôle de Nadia Bodkin ou encore Kaamelott dans le rôle de Prisca. Allez, tout de suite, nouvelle pause musicale avec Taylor Swift et l'un de ses derniers titres intitulé Me en featuring avec Brandon Urie. Me, I know that I'm a handful, baby. I never think before I jump. And you're the kind of guy the ladies want. And there's a lot of cool chicks out there. I know that I went psycho on the phone. I never leave well enough alone. And trouble's gonna follow where I go. And there's a lot of cool chicks out there. But one of these things is not like the others. Like a rainbow with all of the colors. Baby doll when it comes to a lover. I promise that you'll never find another like me. Like, I know I tend to make it about me. I know you never get just what you see. But I will never fall you, baby. And there's a lot of great guys out there. And when we had that fight out in the rain, you ran after me and called my name. I never wanna see you walk away. And there's a lot of great guys out there. Cause one of these things is not like the others. Living in winter, I am your summer. Baby doll, when it comes to a lover, promise that you'll never find another like me. I'm the only one of me. Let me keep you company. you like me? Never find another like me. Me, Taylor Swift en featuring avec Brandon Urie sur le 107FM. Il est pile 8h47 et on parle météo. La météo. Eh bien, pour ce jour de rentrée, c'est plutôt pas mal. Hein. Journée ensoleillée avec tout de même des nuages. Des températures comprises entre 11 et 12 degrés ce matin. Entre 21 et 22 degrés prévus pour cet après-midi. Mardi, belle journée ensoleillée. Des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin. Entre 22 et 24 degrés prévus pour demain après-midi. Mercredi, belle journée ensoleillée également. Des températures comprises entre 11 et 12 degrés le matin. Entre 23 et 25 degrés prévus pour mercredi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et en ce jour de rentrée, en ce lundi, on a pas mal de choses à se raconter en sport. On va commencer avec du hockey sur glace. C'était ce week-end un tournoi de préparation pour le club d'Épinal qui a remporté d'ailleurs son tournoi en battant tout d'abord samedi Amnéville 7 buts à 1 et en battant hier après-midi l'équipe de Colmar 6 buts à 1. En CHL, toujours en hockey sur glace, on suit les résultats des Brûleurs de Loups de Grenoble qui se sont inclinés en Finlande sur le score de 3-1. Mais hier, ils ont réussi l'exploit de s'imposer en Suède sur le score de 2-1. Il faudra réitérer cette belle performance lors des matchs retour à venir à la patinoire de Grenoble. En tout cas, on croise les doigts pour le club français. Un mot de judo avec du judo par équipe où la France est vice-championne du monde. Un mot de basket avec la Coupe du Monde. Ça a débuté hier pour la France. Premier match, première victoire dans la difficulté certes, mais victoire tout de même. 78-74 face à l'Allemagne. Meilleur joueur de la rencontre côté français, c'est Evan Fournier. Un mot de football maintenant. Tout d'abord avec du football féminin. Match amical, la France a battu l'Espagne 2-0. On va parler de la Ligue 1. Je ne vais pas vous parler de Neymar. On a suivi le feuilleton un peu tout l'été, on en a un petit peu ras-le-bol, on va être sincère. En tout cas, voilà, il devrait rester à Paris. Voilà, c'est fini. Et on va parler plutôt des résultats de la Ligue 1 où vendredi, le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-0 à Metz. Samedi, Lyon et Bordeaux ont fait match nul, 1-0. Angers s'est imposé 2-0 face à Dijon. Nantes s'est imposé 1-0 face à Montpellier. Nîmes s'est imposé 3-0 face à Brest. Et Toulouse s'est imposé 2-0 face à Amiens. Il valait mieux jouer à domicile samedi. Dimanche, Reims s'est imposé 2-0 face à Lille. Nice s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Rennes. Strasbourg et Monaco ont fait match nul 2-0. Et Marseille s'est imposé hier soir 1-0 face à Saint-Étienne. En Ligue 2, match nul pour Nancy face à Rodez, 1-0. En National 2, défaite d'Épinal face à l'équipe 2 de Reims, 2-1. En National 3, défaite de Raon-l'Étape face à Vauban-Strasbourg, 3-2. Un mot de Formule 1 maintenant avec le Grand Prix de Belgique qui a d'ailleurs rendu hommage au pilote de Formule 2 Antoine Hubert, décédé la veille. Et c'est un ami d'Antoine Hubert qui s'est imposé hier la victoire du Monégasque Charles Leclerc, qui a d'ailleurs dédié sa victoire à son ami décédé. Le Monégasque s'impose devant Hamilton et Bottas. 9e Pierre Gasly et 13e Romain Grosjean. Un mot de VTT avec le sacre de Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde de nouveau. Un mot de rugby avec le dernier match de préparation. La France s'est imposée face à l'Italie, 47 à 19. Un mot de biathlon maintenant avec le Martin Fourcade Nordic Festival. Côté féminin, la victoire de Vitozzi devant Vireur et Justine Brezaz. Et côté messieurs, la victoire de Martin Fourcade. Et on termine avec du tennis à l'US Open. Les résultats de cette nuit, côté féminin, la qualification de Serena Williams, Svitolina et Konta. Et à noter la belle performance de Wang qui a éliminé Barty. Aujourd'hui, Osaka affrontera Bencic, Tansen sera opposé à Andreescu, Vekic affrontera Gorgis et Han sera opposé à Mertens. Côté messieurs, Federer s'est imposé face à Goffin, Wawrinka s'est qualifié face à Novak Djokovic et à noter également les qualifications de Dimitrov ou encore Medvedev. Aujourd'hui, notre dernier Français en compétition, Gaël Monfils, qui a fêté ses 33 ans hier, affrontera Andourar. Il y aura également Nadal face à Cilic, Alexander Zverev opposé à Schwartzman et enfin Rublev opposé à Berrettini. Voilà pour toute l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec M. Pokora et le titre « Tomber ». Si jamais t'oublies le premier regard, tout ce qu'on s'est dit dans le fond du bar. Si jamais la vie n'est pas de mon côté, ne veut pas de nous, non, ne veut plus jouer. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps, on se donnera, c'est sûr, comme dans nos jeux d'antan. Je suis tombé, tombé, tombé. Je suis touché, bravo, ma reine, tu as gagné. Je ne suis qu'un fou, un fou à enfermer. Je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé, tombé. Ta peur et confiance en moi, je prendrai ta douleur, tu verras ça ira. Si jamais tu doutes, je te fais la promesse de garder sur ta route les mots, la tendresse. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps, on se donnera, c'est sûr, comme dans nos jeux d'antan. Je suis tombé, tombé, tombé. Je suis touché, bravo, ma reine, tu as gagné. Je ne suis qu'un fou, un fou à enfermer. Je suis tombé, je suis tombé. Tombé, tombé, tombé. Je suis touché, bravo, ma reine, tu as gagné. Je ne suis qu'un fou, un fou à enfermer. Je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé, tombé, tombé. Je suis touché, bravo.